Putain, y'a un problème dans ce truc là. Il marche pas, non? C'est la batterie, je crois. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مبعد قد انتهينا من الفعل الماضي والمضارع والأمر طيب مثال الماضي يا محمد الماضي كثرة قتل والمضارع والأمر اقتل نعم طيب les verbes qui sont sous la forme de l'impératif, l'amr, ils auront toujours la même forme, ils sont toujours sous le même pesé. Je te demande, c'est-à-dire, toi tu dois répondre oui ou non d'abord. Après tu dis, hein, voilà, c'est comme ça. Pourquoi il y a Ayman? Ça dépendra de la dernière lettre. Non, dans le mudara. Un exemple. ذهب on dit يذهب et pour le amr on dit idhab. Pourquoi? Parce que la fin dernière lettre elle est meftouh. Très bien. Quand est-ce qu'on retrouve également le son i? Quand il y a une kasra. Une kasra. Quand l'avant dernière lettre est une kasra, comme quoi? Une kasra, c'est-à-dire l'avant dernière lettre. Nazala yanzilu, inzil. Et quand est-ce qu'on retrouve le son u? Quand l'avant dernière lettre une damma, comme Kataba, Yaktubu, Oktub. Otrul, Oktul, il a akhir. Tout le monde a compris, Inch'Allah. Taïb, Bismillah. Ad-Dars 15, la leçon 15. Bismillah. Aina tadhabu, ya Abu Bakr. Le frère, comme je t'ai parlé, mais il y avait 4 verbes. Il y en a qui étaient spéciales quand ils étaient au Amr. Ça, c'est notre frère. Akhala, Akhala, Akhala ou Amara. Amara, voilà. Et Amara, il y en a. T'as dit Mour. Mour. Oui, non. Bismillah, quoi. Adhabou il al-Mudir. Oui, Adhabou il al-Mudir. La dakhruj min al-Fasri al-An. Idhab ilayhi ba'da dars. Non, la dakhruj. Ici il y a une secoune. La nahia, on va le voir aujourd'hui, Inch'Allah. Au niveau de la terminaison, ça ressemblera à quoi? À l'impératif, à l'amr. Et l'importance de connaître al-mudara. Parce que également, le la nahia, tu vas le former comme l'amr. C'est-à-dire, si tu ne sais pas dire dhahaba yadhabu, même là, tu vas mélanger. La tadhib, la tadhub, la mfoum. Pour ça, on répète, réviser bien al-mudara. En suivant, il y a Oustad. Ana talibun. Ana talibun jadidun. Aina ajlisu. Je n'ai pas compris les deux axes. T'as pas compris? Qu'est-ce qu'il y a à la fin de la phrase, Arthur? Hein? Il y a interrogation. Alors? Le deuxième, je sais pas. Comment le deuxième? Ah ben enlève le premier. Qu'est-ce qui reste? Ben non. Le premier, c'est l'interrogation. Il reste quoi après? C'est quoi que tu conjugues là? C'est du mudara, c'est du mardi. Les frères, révisez bien, Allah ybarik fikou. C'est quoi, ajlisou? Ouais, mais là, quel type de période? C'est quoi? Ouais. Si tu as révisé le tableau Uthman, Allah ybarik fikou, hein, regardez, tableau 13, sans vous regarder. Al-mutakallim, ana adhabu. C'est vrai, non? Ça veut dire ça, ana adhabu, c'est que pour le verbe dahaba? Il m'a dit, t'es pas avec nous, Andek. Hein? Ouais, c'est juste pour lui, Ana Adhabou? Tous les verbes. Et ouais, les frères. Ana Adhabou, Ana Aqtulu, Ana Akulu, Ana Ajlisu. On ne peut pas faire comme les deux ensemble. Comment? Non, mais là, ça c'est une règle. Bon, mais sinon, là, si devant toi tu vois bien. Ajlisu, c'est que c'était pas un mot comme ça. Barakallahu fik. La tajlis huna. Hada maq'adu Hisham wa huwa gha'ibun al-yawm. Ijlis hunaka khalfa Hamidi. هذه دفاتر يا أستاذ. لا تأخذها ينظر في دفترين. يا عبد الرحمن يا عبد الرحيم يا عبد الرحيم لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر. المدرس هو الذي يكتب. افتغيت هنا الأيام ولا point. المدرس طيب بارك الله فيك. المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. انظر إلى هذه المجلات يا أستاذ ما أجملها. Très bien. لا تقرأ المجلات في الفصل. لا لا doucement les frères en plus tu t'es trompé là. لا تقرأ المجلات لا مجلاتي جمع من سالمة فغير في ميناء في الفصل يا فيصل يا فيصل. نعم ما أقرأ هذه المجلة ما أقرأ هذه المجلة هذه المجلة الآن. إنها إنما أنظر إلى أنظر إلى السوار السواري التي فيها. أنا استغفر فيني جزء آخر. أفتح الباب يا أستاذ. prononcez les fins comme ça je vois ce que vous comprenez. مفعول به مرفوع طيب. أفتح الباب يا أستاذ. tu vois voilà c'est pour ça que je voulais savoir. أفتح ماذا c'est qui va ouvrir là. أفتح الباب يا أستاذ يكاد الجرس يرن. نعم les frères la lecture moi je veux quoi vous prononcez tout طيب comme ça je vois. Je peux vous corriger. Et le fait que quelqu'un qui soit corrigé, Inch'Allah, Bidnla ne recommencera pas. C'est bien, barakallahu fik. Le suivant. Ahsant. Il est où le fa'al ici? On a dit tout verbe, il lui faut un fa'al, il y a Abdelhamid. Moustatir. Après? Pas me dire juste moustatir, rajoute. Ahoua. Anta. Ah, ahoua. C'est pas ahoua, c'est pas l'amr. Tu voulais dire quoi, Abdelkarim? Tu dis, unzuru. إنما انظروا مجي تكوا وزي انظروا تكوا انظروا إنما انظروا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Troisième phrase du professeur, maq'ad c'est la place. Hein, il lui a demandé est-ce que je peux m'asseoir là. Il lui a dit là, tajlisuna hada maq'ad Hisham, c'est la place de Hisham. Kada, on va le voir, c'est un verbe, hein. C'est-à-dire il est presque sur le point de se faire. Hein? Par exemple, il dit aftahul baba ya ustad, yakadul jaras yarin. Est-ce que j'ouvre la porte au professeur? Yakadul jaras yarin, c'est-à-dire il dit que la sonnerie est sur le point de sonner. Hein, ça on va le voir. C'est-à-dire le khabar, il est sur le point de se faire. Et après, il y a un khilaf dans ces trucs-là, vous le verrez plus tard. Quelque chose d'autre? C'est bon? Taïb. Taïb, bismillah les frères. Le dars d'aujourd'hui, Allah ybarik fikoum, ça concerne la nafia et la ناهية طيب طيب اللا نافية on en avait parlé un petit peu hein. Vous vous souvenez hein? Elle rentre dans le مضارع et elle peut rentrer dans le ماضي avec des conditions طيب tu diras par exemple أنت لا تدخلو في هذا البيت مفهوم il est مرفوع لا ناهية. طيب إلا ناهية ce serait quoi plutôt une information طيب celui qui veut écrire il écrit hein. Celui qui enregistre il prend l'autre vous comprenez là hein la ناهية نافية je dis نافية ou ناهية mon tout à l'heure ناهية la ناهية on parle ناهية عفوانا بارك الله فيكم la ناهية طيب طيب النافية on a dit quoi تدخل على المضارع و الماضي on avait dit dans le ماضي avec une condition c'était quoi il faudra qu'il répète. Fala sadaqa wala salla. Alors que si elle rentre dans le mudara barakallahu fikum, elle le laisse comme il est, marfou. Hein? Qui sera à l'inverse du la nahiya. D'accord? Nafia, on a dit, elle rentre dans le madi et dans le mudara. Et elle reste le mudara, il va rester marfou. Et plus tard, vous verrez également que la nafia, elle peut rentrer dans un ism. Hein? Par exemple, tu peux dire la zaydun fil bayt wa la muhammad. Alors que la nahiya, tu ne pourras pas dire ça. Je répète. Hein? Alors, on a dit quoi? La nafia, elle rentre dans le mudara et elle le laisse marfou. Elle rentre dans le madi et il y aura une condition, il faudra répéter. Taïb, hel akalta, tu diras la akaltu wa la shariptu. Et elle peut rentrer également dans un ism. Par exemple, hel zaydun fil bayt, tu diras la zaydun fil bayt wa la Omar ou wa la Muhammad. Tout le monde a compris également? Et le sens, c'est quoi? C'est une information. Hein? Quand Allah dit fala sadaqa wa la salla, il nous a informé. Le fond, la akaltu wa la shariptu, c'est quoi également? Une information. Et si je dis la tadkhul fil bayt, également. C'est pas une interdiction. Mais je te demande de ne pas le faire. Le fond, madame, et vous verrez après également. T'as C'est compris ça, Inch'Allah? Et le plus souvent, la nafia, elle rentre dans le feu al-mudara. T'as sans shurut. Sans le signe, sans le feu. Comment? Ah, ça se dit pas, ça. Ça, on a vu, ça. Ah, taïb. Ah, on avait dit. Mais c'est pas le sujet, là. Là, on demande juste la. Allah ibarik fi. Mais sinon, le signe et saufa, c'est un signe du mudara. C'est compris là, Inch'Allah? Et en ce qui concerne, barakallahu fikum, la nahiya. La deuxième qui nous concerne, la nahiya, elle est spécialement que pour le fi'l al-mudara. Mais faut mal, ikhtisas, spécifiquement que pour al-mudara. La nahiya, tu ne trouveras pas dans le madi, et ni dans l'amr. Mais faut mal, tu dis la tadhab. Et il y aura quoi à la fin? Une sukun. C'est pour ça on l'appelle harf jazm. C'est-à-dire elle rendra le fi'l mudara' majzoum. Hein? Et alamat al jazm, ce sera une sukun si ça demande une sukun, ou hadf al noun, ça va supprimer le noun si ça doit le supprimer. La tadhhabu. Hein? Wa la tushriku billah. Mfoum hada? Vous avez compris ça? Et ça ressemble à quoi en quelque sorte? À l'impératif. Mais ici, c'est quoi? C'est une demande de quoi? De laisser. Alors que l'impératif, c'est quoi? Ça demande quoi? Talab mada? Al fi'l. Regardez la différence maintenant. Est-ce que vous avez compris déjà la nahiya, dans quoi ça rentre? Dans quoi ça rentre? Khas bil mudara. La nahiya, c'est khas bil mudara. Ça veut dire spécialement que pour le verbe al fi'l. Je vais dire quoi? Al fi'l al mudara. Et ça va le rendre quoi? Majzoum. Mafhoum hada? Taïb. Et après, qu'est-ce qu'on a dit? Barakallahu fikoum. Et la différence entre la nahiya et nafia, c'est que la nahiya, ça quoi? Ça demande de délaisser la chose, l'acte. Alors qu'on avait dit la nafia, c'était quoi? Une information. T'as vu? Un instant, il ne faut pas que j'oublie les trucs. C'est important ça. Oui. Maintenant, la différence entre l'amr et la nahiya. Quand je te dis u'bud rabbaka, c'est quoi ça? Je demande quoi là? Je demande un acte ou je te demande de délaisser un acte? Mefhoum? C'est ça la différence. Et quand je te dis la tushrik billah, il y a un ordre, c'est un sens d'ordre, mais c'est quoi ici? De délaisser quoi? Un acte. Qu'est quoi? Le shirk. Vous avez compris la différence? Dans les deux cas, il y a un quoi? Ça ressemble à quoi? Ça s'est coordonné dans quoi en quelque sorte? Il y a un ordre, mais l'ordre c'est quoi? Il y a un ordre, c'est quoi? Ça demande un acte, et l'autre c'est quoi? De délaisser un acte. Mais faut, si quelqu'un il a pas bien compris, il dit ouais, mais ça ressemble comme à l'impératif. Tu dis, il y a, dans les deux, il y a de l'ordre, mais il y en a un, il te demande de quoi? D'appliquer un acte, et l'autre il te demande quoi? De délaisser un acte. La tazini, c'est dire quoi ça? Il y a un sens de quoi? D'ordre. Mais il te demande de le faire ou de le délaisser. C'est à dire ne fornique pas. Et quand je te dis solé, c'est dire quoi? Prie. Il y a un ordre de quoi? De prier. Mais Fumhada, vous avez compris la différence? C'est qui a voulu parler là? Matzou? Voilà, tu sais pas? Qui c'est? On en a parlé normalement. Fadal? Il a fini par Sukun. Sukun, Hada Wals. Elle est bien. Hein? Taïb, révisez les frères. Taïb. Al-Madzoum, on l'a dit. Alamat al-Jazm. On a dit le Madi, il est Meftouh. Al-Mudara, il est quoi? Al-As. Morfou. Ou Al-Amri. Madzoum, bi Sukun. Taïb. Qui va répéter tout ça là? Mohamed, la Nafia. La Nafia. C'est quoi là? Elle rentre dans quoi, on a dit? Dans le Mudara. Le plus dans le Mudara. Elle peut rentrer dans le Madi? Dans le Madi, Naam. Naam, bi Shurut. En répétant. Il va falloir répéter le verbe. Hal akalta, tu diras. La akalto wa la sharibtu. La akalto wa la sharibtu. Est-ce qu'il peut rentrer dans l'ism, ya Abdul Hamid? Un exemple. La zaydun fil bayt wa la Muhammad. C'est compris? Ça, c'est la nafia. Quel sens il a la nafia? Une information. Fala sadaqa wa la salla. La akalto wa la sharibtu. Taïb? Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Barakallahu fikoum. Taïb. Voilà Nahia. Taïb, ça c'est au niveau. Tu as commencé par la fin. C'est-à-dire, il rentre, c'est quoi? Que dans le Mudara. Il le rend comment, ya Ayman? Madzoum. Mefoum, un exemple? La Tadhab. Alamat al-Jazm, Sukun. Mefoum, Ada, Inch'Allah. Et il y a quoi également? Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, Amin Khasay, c'est le Mudara. Et la différence entre la Nahia et la Nafia? Une information. Mais Fumada, après il nous reste une faïda en plus. La différence entre l'amr et la nahia, c'est-à-dire l'impératif et la nahia, c'est quoi? Une interdiction, une. Donc, comme tu as dit, de tout l'âme, ça se ressemble au niveau de. De l'ordre, en quelque sorte. Ouais. C'est-à-dire, si quelqu'un veut traduire, il s'est trompé, ou il pense que dans les deux, il y a un ordre. Il n'y a pas de mal de dire ça. Mais la différence entre l'impératif et la nahia. C'est-à-dire de délaisser un acte. Alors que l'impératif, ça demande quoi d'accomplir un acte. Un exemple, une demande d'acte. Une demande d'acte. Uktub, salli. Très bien. U'bud rabbaka. Salli. Il y a un ordre qui est quoi? Prie. Et la nahia. Non, la tadab, ça met du temps. Qu'est-ce qui se passe? Taïb, la tushirik. C'est-à-dire, tu demandes quoi? Tu demandes de délaisser le shirk, l'association. Taïb? Comme l'amr, les frères. Celui qui a compris l'amr, il comprend ce dar, celui qui ne le comprend pas, là. Dis à nous tous de partir, tu diras quoi? Là. Ah, subhanallah, tu me parles du amr, je te dis, et tu rentres dans le. C'est pas facile de vous attraper, moi. Oh là là, c'est ajib. On parle du Amr. Je te demande un exemple, tu me dis la Tadhabou. Oh là. Les frères. Sinon, il va falloir que je parle. Idhabou. À la base, c'est quoi à la base le verbe? Comment t'as formé ça? Là. Comment Idhabou? T'as dit à nous là. C'est comme ça que t'as formé là, Idhabou. Par rapport à ce qu'on a étudié, c'est comme ça qu'on le forme, Idhabou? Comment tu l'as, on le forme? Non. À qui tu parles là? À moi ou je vous ai dit? T'as dit quoi à la base? Non, d'abord, comment de yadhabou t'as été à idhabou? C'est faisable ça? J'ai fait idhab? Là. Toi t'as dit yadhabou, idhabou. C'est comme si je dis tadhabou, idhabi. C'était bon ça? Non. Hein? Non. Ah non, Mohamed. Moi j'ai dit quoi? Pour former l'amr, tu passes par le mudara. C'est-à-dire, à la base, je vous dis quoi? Antum, quoi? Tadhabouna. C'est vrai, non? Antum, tadhabouna. Je vous demande là d'y aller avec l'impératif. Antum, idhabou. Mais c'est ça que je voulais que tu me dises. Ah ouais. Moi, je ne vous ai jamais dit, anta tadhabou, et si tu veux dire Amina, tu diras idhabi. Tu vas me dire, attends, comment il a formé de tadhabu idhabi? À part tes mashallah dhaki, il t'avait préparé le dars? Non. Mais si moi je l'aurais expliqué comme ça, Allah alim t'aurais pu le comprendre. T'as compris, Mohamed? C'est pour ça que quand je t'ai demandé, demande l'impératif, tu dis quoi? Idhabu. Il est sorti de quoi? De antum tadhabun. Si je dis idhabi, à la base c'était quoi? C'est. Anti? Anta? Anti, ouais? Imaginez-vous, il m'aurait dit Abdelkader, un tunna, tadhabtunna. C'était bon ça? C'est compris ça, Inch'Allah? Voilà. Alors, al-am, c'est quoi? Idhabu. On demande un acte. Faites. C'est-à-dire quoi? Partez. T'as et là, tadhabu. Regardez. C'est la même terminaison. Idhabu, il est madzoum. Alamat al-jazm ici, ce sera quoi? Hatf noun. On a supprimé le noun. T'as parce que c'est de l'impératif. Et on dira quoi? Antum la tadhabu. Il est madzoum encore. Et c'est quoi la alamat al-jazm? Hatf noun, on a supprimé le noun. Mais le premier, on sait que c'est quoi? Un impératif. Pourquoi on a dit quoi? Idhabu. Et le deuxième, on sait que c'est quoi? C'est la nahiya. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé le noun. Et si je mets la nafia, je supprime le noun? Là, on dira quoi? La tadhabu na yakhwa al-an ila al-masjid. Vous avez compris là? Normalement, si vous avez appris par cœur la leçon, il n'y a pas de confusion. Il ne faut pas me dire non, mais on peut confondre. Là, si je vous donne un ordre de partir, Al-Am, je dirais quoi? Un ordre de partir. Il ne faut pas dire quoi? C'est Nahia. Pourquoi? Parce que Nahia, c'est quoi? C'est un ordre de faire ou c'est un ordre de délaisser? Voilà les frères. Vous avez compris ça? Alors quand je dis Idhabu, ma'ana talab al-fi'al. Idhabu. Mefhoum, c'est-à-dire je vous ai demandé d'accomplir quoi? Un acte. Antum tadhabuna. Mudara. Marfou. Et comment on sait qu'il est marfou? Parce que la présence du noun. Et si je vous dis antum la tadhabu, c'est quoi? Nahia. Et comment on sait qu'il est nahi? Très bien. À la fin, ouais. À la fin, quoi à la fin? Là. Hatf noun. On a supprimé le noun. Très bien. C'est bien compris ça? Est-ce qu'on peut confondre maintenant entre la nahia et la nafia? Même si on parle à un groupe de frères? Hein? Voilà. C'est compris ça, Inch'Allah? Tout le monde a compris? Taïb. Maintenant, il reste une chose où quelqu'un pourrait dire on peut confondre. Si c'est quoi? Le féminin. Quoi? Pluriel. Pourquoi? Parce qu'il est invariable. Antunna la tadhabna. Antunna la tadhabna. Par rapport à la karina, on verra. Est-ce que la personne a fait une interdiction ou juste une information? Mais dans les deux cas, c'est quoi? Invariable, ça ne bougera pas. Mais sinon, tous les autres, c'est quoi? Il y a un indice. Soit on verra la présence du noun, ou soit on verra quoi? Que le noun a été supprimé. C'est compris? Si le noun n'est pas supprimé, c'est-à-dire quoi? Ce sera la nafia. S'il est supprimé, la nahia. Si je trouve une secoune, c'est quoi? Nahia. S'il y a une dama, nafia. Hadawa. C'est compris ça, les frères? Mais je vous ai dit, celui qui n'a pas bien appris le mudhara, il est en train de tout mélanger là. Allez, frères, faites-le, Allah ybarik fikoum. Tu vois, c'est pas trop tard. Apprenez bien le fi'l al mudhara. Celui qui n'apprend pas le mudhara, il va tout mélanger là. Parce que depuis tout à l'heure, là, je suis en train de répéter qu'en réalité, c'était très simple. C'est vrai ou c'est pas vrai, frère? Hein? Depuis déjà 10 jours, je vous ai dit quoi, ou une semaine, le mudhara, ce sera la base de tout ce qui va suivre, l'amr. C'est vrai ou non? Voilà. Allah ybarik fikoum. Taïb. Et ça, c'est des dars, vous n'aurez plus besoin de les faire après. Ce sera que de la révision. Et je vous promets, certains arabophones, ils ne différencient même pas ça. Et ça, c'est des dars que vous aurez besoin même dans quoi? Dans Sharia, dans Usul al-Fiqh. La différence entre la nahiya, la nafiya. Attention, le nahou, c'est une porte pour beaucoup de choses. Il y a des hadiths où il y a ça. C'est vrai, non? Ah ouais. Quelqu'un qui est en train de mélanger les interdictions et quoi? Et les recommandations. Là, tu shirik billah. Ah ouais, c'est une ordre. Ah ben, pourquoi? Comment? Là, c'est un ordre de ne pas le faire. Et non pas un ordre de le faire. Mais faut, ça, c'est important. Et ça, dites-vous, dans l'Ajrumiya, il n'y a pas certaines choses comme ça. Mais faut, alors profitez bien, Allah ybarik fiko. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Maintenant, il suffit juste de lire. T'as vu? Alors, la nahi, avant de lire, ce sera quoi? On trouve quoi? Une secoune ou quelque chose de on va supprimer le nun. Et si c'est le pluriel des femmes, il sera quoi? Un variable. Et là, nafia, c'est quoi? On laisse comme il est le verbe au mudara. Comment? Pour le pluriel des femmes, c'est la suite qui dit que. Non, pas la suite, c'est une qarina. Par exemple, tu dis à tes filles ou à ou t'as quatre femmes, tu dis là, t'akhrojna l'an. Un exemple. Ou là, t'akhrojna. Et on le voit, tu diras. Mais fum, c'est une, par rapport à de la manière dont tu le dis. Fum. T'as vu? Allah ybarik fik. Après, il y a des verbes qui nous permettent de voir quoi? C'est vraiment nahiya. La tushrikna billah. C'est quoi ça? Interdiction. Interdiction. Mais aussi, on saura quoi? C'est nahi. Hein? Vous avez compris ça? T'as compris la semaine? L'exemple? Tu l'as pas entendu? Ah, c'était pour toi en plus. La tushrikna billah. C'est quoi ici? On demande de délaisser quoi? Le shirk. Mais faut maintenant? Allez, bismillah, les frères. Barakallahu fikoum. Iqra ma yali. Hein? Exercice 2. Tadhabu. Ici, il est quoi tadhabu? Marfou, mansou, madzoum. Comment t'as su? À la mataraf, à la dhamma, la présence du dhamma. La tadhab. C'est la nahia ou nafia, Abdelmajid? La nahia. Kif arafta hada? Comment tu as su cela? Elle fait le mudara' madzoum. Taïb, c'est un fi'l mudara' ou madhi ça? Comment t'as su? Il y a deux choses là, tu peux savoir. Il y a le harf mudari. Harf mudari, le ta et la présence. La présence du sukun. Du sukun. Hein? C'est un fi'l mudari également quoi? Et il y a le la qui a été la cause du sukun. Mais Fumala, tout ça c'est quoi? C'est des indices que tu apprends et tu sais maintenant avec quel verbe tu es en train de. C'est-à-dire, tu sais le verbe qui est devant toi. Taktubu, la taktub. Tashrabu, la tashrab. Taïb, Inch'Allah? تعالى بسم الله محمد اقرا يا موسى انت مريض فلا تخرج من البيت ولا تذهب الى المدرسه ولا تلعب في الشارع في الشارع في الشارع نعم لا باسكو سي مشاريع ابري مون بليس تاع الشريعه سا ديفيان اوتر شوز مي فو ماذا تو سا سي لا ناهيه او سيفون لا تجلس في الطريق تري بيان لا تجلس في الطريق او سيفون افتح النافذه ولا تفتح الباب تري بيان لا تضحك في الفصل نعم لا تأكل في الشارع لا تكذب نعم لا تحلق لحيتك لا تسألني هذا السؤال نعم لا تحلق لحيتك تلك لا تسألني هذا السؤال نعم لا تضرب زميلك زميلك نعم قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي لا تعبدي الشيطان يا أبتي لا تعبدي الشيطان نعم طيب أو بير أو بير أبي أبخي يعني ما يا بوكو يا أبتي يا أبي كمان الله يبارك فيك طيب أدخل يا أمانتي on a vu une règle on a dit quoi همزة الوصل ou l'amr, on ne devait pas mettre l'hamza. Pourquoi il y est là? Par exemple, moi je dis au frère Ayman, au troll, est-ce que je mets la hamza en haut? Et alors pourquoi il y est là? C'est une faute de frappe ou je me suis trompé là? C'est ouf. Ah, vas-y, demande si ouf. Ça dépend si c'est un verbe à. Hein? Trois lettres? Là, atril, regarde. Une, deux, trois, quatre. Atril, là, c'est quoi, là? Pourquoi il y a la hamza? Qu'est-ce que tu as dit, alors? Répète. C'est quatre lettres. Parce que c'est un verbe à quatre lettres. C'est ça que tu veux dire? Très, très bien, mashallah. Atrala. Alaykoum salam. Atril la nahiya ala l'af'al l'atiya. Wadbit awa akhiraha. Il demande juste de faire entrer la nahiya. T'as et barakallahu fik, tu lui mets la terminaison qui lui faut. Tfaddal. C'est à qui? On s'est arrêté où là? C'est toi? C'est à Mohamed. Tfaddal, vas-y, on est devant. Pas de troll. Non, là t'as troll direct. Non, là t'as troll. C'est rien, c'est. Non, là ça va partir. Ah, c'est rien. C'est... Allez-y, frère, lis. Laisse-moi. C'est des bêtes qui ne voient pas ça de temps en temps. On apprend à la vie. Lisez, lisez, ça, ça va partir. On a aidé quand même. On les achètera là. Voilà. Voilà. T'as dit t'as trop lourd, là t'as trop lourd. Vas-y. Toi tu fais tas, tasma'ou. La tasma'ou. Naam. Tanzilou. La tanzil. Taqtulou. La taqtul. Ta'khudou. La ta'khud. Naam. Taqta'ou. La taqta. Tarkabou. La tarkab. Tarfa'ou. C'est à qui l'a dit? تأمل ما يلي يا أحمد لا تذهب يا إخوان لا تذهبوا يا مريم لا تذهبي يا أخوات لا تذهبنا طيب tout le monde est là grand 5 أكمل الجمل الآتية بوضع الفعل المضارع طيب مناسب مسبوق بلا نا هي في الأماكن الخالية hein il vous demande de quoi de mettre un verbe au مضارع c'est qui lui convient C'est parti, Inch'Allah. La lumière, peut-être. Jouez, jouez. J'allais dire jouer. Vas-y, lisez, Barakallahu fikoum. Laisse-le, laisse-le, c'est rien, c'est la lumière. Abdelkarim, il y a Zainab, c'est à qui là ? La Taftah. La Taftah, Zainab, c'est un frère. نعم يا زينب لا تفتحي زين يا ايها الناس لا تعبدوا الشيطان très bien يا ايها الناس لا تعبدوا الشيطان يا اخواتي لا تكنسي يا اخواتي لا تكنسنا سلام غرفتي بالمكنسة القديمة. يا ولد لا تدخلوا في الفصل. لا tu te trompes là. يا ولد إيه؟ لا تدخلوا. لا نهي يا. لا تدخل نعم. طيب. في الفصل وشو هو؟ يا بنتي لا تشرب يا بنتي الفخ يا بنتي لا تشربين لا سنتي با تشربين يا بنتي لا تشربي ماء باردا وشو هو؟ يا أبنائي لا تخرجوا من الفصل في أثناء الدرس نعم في أثناء الدرس c'est-à-dire en plein cours وشو هو؟ لا تنزلي من الحافلة في هذه المحطة يا أختي. نعم. لا تنزلي من الحافلة في هذه المحطة يا أختي. وسيبا. يا بنتي. يا بنتي. لا تقطعي الخبز. اللحمة. بهذا سكين. نعم. وسيبا. لا تذهبوا إلى المطعم قبل الساعة الواحدة نعم لا تكتب على السبورة يا أبا بكر نعم سي بون تأمل ما يلي هاي بو دي كوا لا نافية لا ناهية ها الحمد لله tout le monde a compris طيب سي سيدير لما لا تأكل يا أخي ألا تذهب إلى الملعب طيب tout le monde a compris là hein, si je dis à quelqu'un par exemple la tachrouj c'est à dire quoi ne sors pas il faut et si à quelqu'un par exemple je dis la tachrouj ça sort quoi c'est à dire tu demandes naya c'est une interdiction de sortir طيب la naya la ta'koul hada ya akhi لا تذهب إلى الملعب. طيب. C'est-à-dire tu l'interdis de manger. Tu l'interdis de quoi? de partir. Ta'amul mayali huwa yaktubu, un grand Z. Anta taktubu ana aktubu. Huwa ya'kulu anta ta'kulu ana a'kulu. Taïb, et là tu dis a'kulu. Ça veut dire quoi? Barakallahu fik. La ta quoi? Al-dhamir al-mutakallim, c'est ana. Mafhoum? Et ta quoi? Al-hamza du verbe en lui-même, qui okay? Hamza, c'est-à-dire on a deux quoi là? Deux hamza, c'est-à-dire tu dis quoi? A'kulu. Mafhoum hada? Tout le monde a compris? Taïb. Huwa ya'khudhu anta ta'khudhu ana a'khudhu. A'khudhu. Taïb, inshallah. تأمل الجمل الآتية. On va s'arrêter là, comme ça, si vous avez bien révisé ça. Mais révisez les frères, parce que sinon j'aurais pu finir la leçon. Mais comme peut-être il y a beaucoup de choses à taïf, comme ça demain inchallah on avancera dans la deuxième leçon. Barakallahu fikoum.